allons, mes enfants. Préparez cette salle. Le premier acte de Don Juan va finir. Et nous allons recevoir M. Hoffmann et ses amis. Tire l'oreille, tire l'oreille, cette main qu'on la somme, tire.